Histoire de Saint-Augustin, par Jean-Joseph François Poujoula, et de Monsieur et l'abbé Jean-Baptiste Rau. Marc Emdan, archive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 54e, extrait, mort de Saint-Augustin. Augustin avait achevé le sixième livre de sa nouvelle réponse à Julien, et venait de commencer le septième livre, lorsque la maladie le força d'interrompre son œuvre. Il l'a quittée pour ne plus la reprendre. L'œuvre devait se présenter inachevée au respect de la postérité, afin de témoigner que les dernières forces de ce grand homme avaient été consacrées à la défense de la vérité. Mais cette interruption de la lutte n'ôtait rien au triomphe, il était complet. Augustin avait tout dit sur le pélagianisme, et la condescendance, plus que la nécessité, le déterminait à ce combat. Cette tournée sur le champ de bataille avait uniquement fait voir au monde qu'il ne restait plus d'ennemis à vaincre. Augustin fut délicat et souffrant toute sa vie, mais cette fois le mal se présentait avec une inquiétante gravité. Le temps approchait où cette lampe ardente devait s'éteindre sur la terre pour se rallumer dans les cieux. N'oublions pas qu'Hippone est assiégé par le barbare. Le Saint-Évêque est dans sa communauté, entouré de ses prêtres et de ses meilleurs amis, plusieurs évêques se sont réfugiés dans Hippone, et parmi eux nous apercevons Posidius et Alippe, Alippe l'ami de la jeunesse d'Augustin, le compagnon de ses premières études religieuses dans le tranquille asile de Cassiacum, aux environs de Milan. De quel intérêt eût été pour nous les récits des graves causeries de ces vénérables personnages autour du maître dont la vie allait s'éteindre? Quel charme pieux et mélancolique dans la peinture de cet intérieur où tant de sainteté se réunissait à tant de gloire, où de longues existences remplies d'évangéliques vertus et de combats illustres, aboutissaient au spectacle de la dévastation de leur patrie. Posidius nous apprend quelque chose de ce qui se passait dans la maison d'Augustin, et les moindres lignes de ce témoin deviennent ici d'un bien grand prix. Nous conversions souvent ensemble, dit-il, nous considérions les terribles jugements de Dieu placés devant nos yeux, et nous répétions avec le psalmiste, « Vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement est droit. » Psaume 118, verset 137. Triste, gémissant, versant des larmes, nous implorions le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, pour qu'il daignât nous soutenir dans cette tribulation. Posidius, continuant son récit, s'exprime en ces termes, qui oserait ne pas laisser parler ici un tel narrateur? Un jour que nous étions réunis tous ensemble à table, le saint nous dit, « Vous savez que, durant ce désastre, j'ai demandé à Dieu où qu'il daignât délivrer la ville d'Hippone assiégée par les ennemis, ou, s'il en avait jugé autrement, qu'il daignât donner de la force à ses serviteurs pour soutenir le poids de sa volonté, ou bien enfin qu'il daignât m'appeler de ce siècle vers lui. Instruit des vœux du grand homme, nous et tous ceux des fidèles qui se trouvaient dans la ville, nous adressâmes la même prière au Dieu Tout-Puissant. Et voilà que, le troisième mois du siège, il se vit accablé par la fièvre. Sa dernière maladie venait de l'atteindre, et le Seigneur ne frustra point son serviteur du fruit de sa prière. L'évêque de Calam rapporte que des possédés furent délivrés par les oraisons du saint docteur, et qu'un malade fut guéri par l'imposition de ses mains. Celui-ci avait été averti en songe d'aller trouver l'homme de Dieu. Cette guérison est le seul miracle qu'Augustin ait opéré pendant sa vie. Le saint évêque avait souvent dit à Posidius qu'un chrétien, même le plus digne de louange, ne devait pas quitter ce monde sans se condamner à quelque acte de pénitence. Durant sa dernière maladie, il fit transcrire et placer contre le mur les psaumes de la pénitence, qu'il lisait et relisait dans son lit en fondant en larmes. Pour prier et gémir sur lui-même avec plus de liberté, Augustin, 10 jours avant sa mort, demanda à ses frères présents de vouloir bien le laisser seul dans sa chambre, et de ne permettre à personne d'y entrer, si ce n'est aux heures où les médecins le visitaient et où l'on apportait sa nourriture. On se conforma à son désir. Quand vint le dernier jour, Posidius et les autres évêques ou prêtres, disciples d'Augustin, environnèrent tristement et pieusement son lit. Ils unirent leur prière à celle du grand homme mourant. Augustin murmurait d'une voix attendrissante des oraisons mêlées de pleurs, et lorsque sa bouche cessa de prier, son âme avait reçu dans les cieux le prix de 44 ans de vertus et de travaux sublimes. Elle était en possession de l'ineffable et éternelle beauté dont les magnificences de l'univers ne sont qu'une ombre grossière et vers laquelle montèrent si souvent les élans de ce tendre et profond génie. Un écrivain d'Afrique, Victor de Witt, voyez, de la persécution vandalique, livre 1, déplorait en ces termes la mort d'Augustin. Ainsi s'arrêta ce fleuve d'éloquence qui se portait à travers tous les champs de l'Église. Ainsi la douceur se changea en amertume, ainsi se retira la gloire des prêtres, le maître des docteurs, le refuge des pauvres, l'appui des veuves, le défenseur des orphelins, la lumière du monde. Ainsi se tut le grand annonceur de la divine parole. Ainsi tomba le courageux combattant qui, par le glaive de la doctrine et de la persécution, frappa l'hérésie, cette bête aux 100 têtes. Ainsi mourut l'architecte insigne qui étaya à la maison de Dieu, instruisit par les exemples de ses bonnes œuvres, et travailla par la puissance de son savoir. Ainsi se coucha ce grand soleil de la doctrine, se dessécha ce fleuve de piété, mourut le rare phénix de la sagesse, brûlé par le feu sacré de l'amour. Ainsi fut transportée dans le ciel la perle des docteurs. Saint Augustin mourut le 28 août 430, âgé de 76 ans. Il avait passé 40 ans dans la cléricature ou l'épiscopat. Le saint sacrifice fut célébré pour le repos de son âme, et son corps fut enseveli dans l'église de Saint-Étienne, l'ancienne église de la paix, où, durant si longtemps, le peuple d'Hippone avait recueilli ses paroles. Posidius nous dit que saint Augustin prêcha jusqu'à sa dernière maladie, vivement, fortement, sans que son esprit et sa raison vinssent à fléchir. Le grand évêque était demeuré saint de tous ses membres, ni sa vue ni son ouïe n'avaient reçu la moindre atteinte. Il ne fit aucun testament, parce que, dit son biographe, pauvre de Dieu, il n'avait rien à laisser à personne. Ceux de ses parents qui manquaient de ressources avaient été, pendant sa vie, secourus comme les autres pauvres. Ses ornements furent remis aux prêtres chargés de la maison épiscopale. Saint Augustin recommandait toujours d'avoir soin de la bibliothèque de l'Église, et de bien garder les livres pour la postérité. Ses ouvrages, comme tous ceux qu'il avait pu recueillir, furent légués à l'église d'Hippone. Posidius ne parla pas de la douleur de la ville, veuve d'un pasteur si illustre et si révéré. Mais nous n'avons qu'à nous rappeler les émotions populaires dans la basilique de la paix le jour de l'élection du successeur de saint Augustin, pour deviner la vive affliction de la cité catholique quand la nouvelle de la mort du grand évêque vint à retentir. Cette calamité fit oublier un moment toutes les angoisses du siège, et lorsqu'ensuite la réflexion fit voir, d'un côté, la présence des barbares, de l'autre l'absence de saint Augustin muet sous la pierre d'un tombeau, un violent désespoir saisit les âmes. Hippone se trouvait en face du malheur, et son consolateur n'était plus là. Le souvenir des leçons et des exemples d'Augustin arrivait seul pour soutenir le courage d'un peuple durement frappé. On ne pense pas sans tristesse aux images qui auraient empoisonné les derniers jours de l'évêque d'Hippone, si la contemplation du monde invisible et impérissable ne les avait adoucis. La cité de la terre, dont saint Augustin avait tracé l'origine et les vicissitudes, lui apparaissait sous de bien sombres aspects, et c'est vers la cité de Dieu, dont il fut aussi l'homère catholique, que s'élevaient toutes ses espérances. Nous croyons cependant que saint Augustin, par la puissance de son génie, et surtout par un rayon parti d'en haut, salua le nouveau monde qui devait sortir du vieux monde condamné. Entrevit, les siècles futurs recevant des inspirations du christianisme toute leur gloire, l'Occident redevenu jeune et vivace sous les pas des barbares, comme la nature redevient plus brillante et l'air plus pur après les orages, et enfin l'univers entier marchant à l'unité morale avec la croix pour bannière. Cette vision de l'avenir était une sorte de voile d'or jeté sur la terre alors profondément déchirée. Et qui sait s'il ne fut pas donné à saint Augustin mourant d'apercevoir, par-delà 14 siècles, l'Afrique, arrachée à son désert et à ses longues ténèbres, recommençant la vie chrétienne à l'ombre du drapeau de la France. Avec quelle douce joie ce grand homme eut emporté dans l'éternité cette prophétique image. Note. La vie de saint Augustin, par Posidius, est une œuvre simple et touchante, il y règne un ton de douceur chrétienne mêlé de gravité. L'auteur est sobre de réflexion, s'en tient aux faits, et se laisse aller à sa vénération pour l'homme de Dieu, sans tomber dans un enthousiasme profane. Cette voie est pour nous précieuse et sacrée, ces 40 ans d'intimité familière et douce avec saint Augustin, sans le moindre désaccord, donnent à Posidius quelque chose d'infiniment respectable. À 14 siècles d'intervalle et quand il s'agit d'un grand et saint génie comme l'évêque d'Hippone, un homme qui nous dit « Je l'ai vu, je l'ai entendu », éveille dans notre esprit une très vive curiosité. Il me semble toutefois que la vie de saint Augustin, par Posidius, aurait pu être plus nourrie, plus abondante en faits ou en anecdotes, trop peu, de la part d'un témoin et d'un ami qui avait vu de si près ce grand homme. Une liste des écrits de saint Augustin termine l'œuvre de Posidius. J'ai sous les yeux l'édition publiée à Rome, en 1731, par des Jean Salinas, un volume in huitième. L'ouvrage de Posidius se trouve aussi à la fin du tome 10 des œuvres de saint Augustin.